vida. Vraiment, on va travailler sur ce que t'aimes, c'est le plus important depuis le début, on est derrière toi. Et encore aujourd'hui, on est derrière toi. Et on a une bonne nouvelle à commencer en famille. Ouais, et aujourd'hui, tu reçois ton premier disque d'or. Mon épaule quand tu pleures, mon dos promettant, fais comme tes cons. Pose comme tes copines qui te la racontent, ça met à la longue. Arrête tes mythos, ma belle. Tu m'affiches, mais salut, tu devrais avoir honte. J'ai capé, je te laisse dans ton déla. La journée t'ignore mes appels, et te fais en face à une histoire. Je dis que tous les hommes te vous rappellent, qu'ils sont dingues de toi, sont dingues de toi. Pas besoin de toi.